Voilà pour nos 2 heures de dialogue. On se retrouve demain mardi. Ciao. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. Un hommage en ce moment à Paris devant la salle du Bataclan, là où les terroristes du 13 novembre ont abattu 90 personnes. Hommage des députés belges de la commission parlementaire sur les attentats de Bruxelles. Les députés qui se sont déplacés aujourd'hui dans la capitale française pour une journée de travail. Ils doivent notamment rencontrer le procureur de la République François Molins avant une rencontre à l'Assemblée nationale avec les membres de la commission d'enquête française. Chez nous, et après un week-end marqué par l'arrestation de 2 proches des frères El Bakraoui, impliqués dans les attentats de Zaventem et du métro de Malbec, après ces arrestations, plusieurs accès à des stations de métro ont été fermés par mesure de sécurité. Ce chiffre en cette journée mondiale des réfugiés, 65 millions de personnes déplacées dans le monde, et c'est un niveau record des personnes qui ont fui les nombreux conflits et persécutions. Ce chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis le début de la guerre en Syrie. C'était en 2011. Ce matin, quelques 200 personnes ont manifesté devant l'Office des étrangers à Bruxelles pour demander au gouvernement de revenir sur sa décision de fermer 10 000 places d'accueil pour demandeurs d'asile. Le syndicat FGTB mène depuis ce matin toute une série de blocages dans la région du centre. Sont visés par ces actions le dépôt de carburant de Feluy, mais aussi le plan incliné de Ronquières et l'écluse d'Avray près de Mons. Action pour dénoncer toujours les mesures du gouvernement. C'est ce lundi que Bpost lance son nouveau service Bringer. C'est une plateforme qui permet aux utilisateurs de smartphones de trouver un chauffeur pour expédier des colis. Les syndicats ont déjà réagi sans surprise. La CC évoque notamment une catastrophe pour l'avenir des colis au sein de Bpost. Le syndicat libéral juge inacceptable le fait d'introduire un service de type Uber au sein d'une entreprise publique. L'avion solaire Solar Impulse 2 a quitté New York ce matin pour sa traversée de l'Atlantique, direction Séville en Espagne. Cette traversée de l'Atlantique périlleuse doit durer 4 jours et c'est l'étape la plus longue de son tour du monde. Le pilote suisse Bertrand Piccard est seul aux commandes. C'est Infoservice et c'est la première baisse du prix du diesel en 10 semaines, moins 1,07 centime demain à la pompe. Diminution aussi du prix du mazout de chauffage dans les mêmes proportions. La météo avec de la pluie à la veille de l'été, des nuages en journée, en soirée, maxima compris entre 14 et 17 degrés. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, des ralentissements sur le ring de Bruxelles. Oui, et dans l'ensemble, c'est assez calme aujourd'hui, pas d'accident très important, quelques ralentissements bien sûr. Le ring intérieur, circulation ralentie entre Halle et Anderlecht, industrie vers Grand Bigard, dans la zone des travaux, c'est vrai. À hauteur de Zaventem vers Léonard également, pour la circulation extérieure entre Waterloo et Tervuren, entre Woluwe et Saint-Etienne et Diegem, et entre Strombeek et Jette vers Grand Bigard, sans oublier entre Anderlecht et Forêt vers Mons, car là aussi, il y a des travaux et il y a tous les jours, à chaque heure, des ralentissements. Quelques ralentissements aussi observés pour accéder à Bruxelles sur le 411 venant de Namur entre Jesus Eik et Léonard et sur le 19 venant d'Anvers entre Vilvoorde et Mechelen. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Je vous laisse avec toute l'équipe des pigeons. Merci Marianne. Retour de l'info à midi. Tiens. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini-format, premier soin. Les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons. Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va bien? Ah bien. Vous avez passé un bon week-end de merde? Mais non, bon, il était ah non, bon. Hier il a fait un peu beau quand ouais, même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y avait, avait pas de révision. T'es à Bordeaux samedi, c'est superbe. Oh, toi ça va. Superbe. Oui, toi ça va. Quel frère. Je vous invite. Ah d'accord, vu comme ça, c'est bien. Fred, aujourd'hui, va-t-on inviter Mickaël en plus, qui a un souci avec des meubles de jardin? Bah ça tombe bien évidemment, puisque le soleil sera de retour fin de semaine. Mais ces meubles de jardin achetés chez Carrefour, ça fait un an qu'il a des problèmes avec. C'est malfaçon et tout, on va l'aider. Dans le journal de la Conso Aurore, on parlera de matelas de voiture. Oui, c'est nouveau, c'est la tendance du moment. Placer un matelas à l'arrière, matelas gonflable, pour faire dormir les enfants pendant qu'on roule, et c'est pas très bien. Ah ouais, mais non, ça c'est super pas bien du tout. Bah non. Xavier, avec vous, on va s'intéresser à l'utilisation des tablettes par les enfants. Ben oui, il paraît que nos tout petits jeunes en consomment déjà beaucoup trop, et surtout avant d'aller dormir, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. On fera le point là-dessus, et puis sur les étiquettes, on peut souvent lire « arôme » de ceci ou de cela, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement « arôme » ? On y répondra aussi dans le courant de cette émission. Si vous avez des choses à nous dire, direction Facebook. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi envoyer un mail, l'adresse est pigeon@rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Passe à vous rajouter la musique. La musique d'Alan Walker, Texas Ranger et d'Eros Ramazzotti. Ah, du soleil dans la radio. Heureusement qu'on a Eros. Oui. Pour oui. ramener un petit peu le soleil, parce que s'il fallait compter que sur le soleil... Mais c'est l'été bientôt, c'est l'été oui, demain. Demain. C'est parce que vous avez dit qu'on va parler d'Arôme. Et Rome, c'est pas la capitale de l'Italie. Oh, joli, c'est long. Joli. Ça commence fort cette émission, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Sur Vivacité, le titre Miracle. Votre courrier est arrivé. Oh, toujours le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Et vous savez quoi, il y a eu des réactions sur Facebook. Si, ouais. Je te jure. Au sujet de plusieurs articles, si, promis. Mais un en particulier, posté ce week-end. On commence par le piratage des téléphones. C'est Manu qui nous avait montré qu'il était possible de s'infiltrer dans votre téléphone portable en proposant un faux réseau Wi-Fi gratuit. Oui, et vous êtes plusieurs à dire que vous ne faites de toute façon pas confiance en général au réseau Wi-Fi, en tout cas ceux qui sont proposés de manière gratuite. Lionel, par exemple, nous dit « Je passe toujours par un VPN que j'ai configuré chez moi, les fournisseurs de services VPN n'étant pas vraiment tous fiables. » Didier, lui, va un petit peu dans le même sens. « Je me connecte uniquement avec un réseau Wi-Fi que j'ai personnellement configuré, jamais un gratuit. » Et puis le commentaire qui prouve que c'est facile de jouer les hackers. « J'ai déjà espionné les gens qui se connectent sur mon Wi-Fi sans mot de passe. » C'est là qu'on se dit « Mieux vaut mettre un mot de passe finalement. » Effectivement, il faut être vigilant. Maintenant, Wi-Fi gratuite. Ah, bah oui. Si. Non. Alors, on a aussi reçu notre première photo de vacances sur la page Facebook. Oh, que vous êtes. C'est Bruno qui nous a posté cette photo. Alors, il nous explique qu'il aurait bien aimé recevoir le t-shirt qui vous permet de voyager aux couleurs des pigeons cet été, et de nous poster vos photos de vacances avec ce fameux t-shirt. Donc, il nous dit qu'il n'a pas eu le temps parce que son départ était trop rapproché. Mais il nous a quand même posté une jolie photo avec un commentaire façon carte postale. Chers animateurs préférés, chers amis, nous avons pensé à vous d'un petit coin du bout du monde, un endroit où les rues ne portent pas de nom, où on ne peut pas mourir, le cimetière est interdit. Hein ? Vivent seulement 8 personnes, dont un hôtel, où il fait jour durant 24 heures à cette période. Photo faite devant la station radio de Isfjord, sur l'île de Svalbard-Spitsbergen, qui appartient à la Norvège. Ah, dis donc, ça c'est une belle photo. Hein. C'est des paysans comme, comme endroit de vacances. Elle est chouette en plus. Oui, je peux dire un truc au niveau des t-shirts ? Je vous en prie, Xavier. Fred. Bon, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails, genre 1300 ou un truc comme ça. Plus. Or, on avait dit qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Donc, une centaine de personnes vont être sélectionnées et recevoir ce t-shirt. Ça arrive, c'est pour bientôt. Mais voilà, malheureusement, on ne pourra pas contenter tout le monde. On en est navré. Et ça ne vous empêche pas de nous envoyer vos photos de vacances avec une référence à l'émission. Mais oui, Bruno, ici, tout simplement, il a fait une petite pancarte, on n'est pas des pigeons. Il s'est photographié avec, j'imagine, sa compagne devant le bureau de poste. Et voilà. Ça, ou si vous allez visiter Venise, pourquoi pas, sur la place Saint-Marc, avec tous les pigeons. Ça ne mange pas de pain. Ah, mais si, justement. Mais si. Quelle bête. Bon, allez, on termine avec un message sur le répondeur. Tiens, en parlant de blagues, histoire de se détendre un petit peu, vous vous souvenez de, comment il s'appelait lui, dans les grosses têtes, Castelli. Ouh là là, il y avait oui, une blague. Eh ben, c'est un peu la même chose. Voilà. C'est entre trois femmes, il y a une brune, une rousse et une blonde. Laquelle qui fait pipi comme un pigeon ? Eh ben, c'est la rousse, parce que le trou roucoule. Voilà. Au revoir. Oh la vache, les gars! Eh, hey, il est 11h du matin! C'est le service public! J'ai demandé l'accord du chef avant de la diffuser, celle-là! Ouais, bah, il y en a qui vont se faire virer dans les prochaines minutes. Si vous avez des choses à nous dire, le SMS 3063, 50 centimes le message, le répondeur. 070 222 660, et puis notre page Facebook, bien évidemment, on n'est pas des pigeons. On accueille Yannick Noah dans quelques instants et on téléphone à Mickaël. Il a un problème avec ses meubles de jardin. Notez qu'il n'en a pas encore vraiment besoin pour l'instant, mais ça on vient, annonce bientôt du soleil. Ça vient 21 degrés. Ce serait bien de lui donner un petit coup de main, celui-là. C'est moi, Hip. Nos diables rouges vont faire suer les Suédois. Venez vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les diables rouges gagnent, vous gagnez aussi une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Le soir présente les nouvelles bilingues. Edgar Allan Poe, Dickens, Virginia Woolf. 30 livres CD pour réveiller votre anglais. Avec une sélection de nouvelles en version originale, leur traduction française et un CD pour travailler votre accent. Dès ce vendredi 17 juin, Oscar Wilde, le fantôme de Canterville, 1 euro seulement. Les numéros suivants chaque samedi avec le soir. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur ? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. En 1997, les JFO, ça donnait ça. Qu'il est mignon ! Waouh ! Une glace, s'il vous plaît. 20 ans plus tard, ça donne ça. Oh, c'est dingue, ça ! Délicieux ! Les journées fermes ouvertes, c'est 20 ans de plaisir en famille. Détente, découverte et dégustation. Plus d'infos sur jfo.be. Une initiative de l'APACW avec le soutien de Vivacité et Sudpresse. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spécial rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Gagnez en savoir-faire. Portes ouvertes les 25 et 26 juin à l'école d'horticulture de Liège. Présentation du lagunage éco-durable, les plantes et la santé, démonstration d'empotage, délagage et d'art floral. Exposition et travaux réalisés par les élèves. Nouveau, au 1er septembre, ouverture de la section arboriste grimpeur et lagueur. Renseignements et inscriptions, école d'horticulture de Liège, rue de l'Espérance. Thank you. avait mon frère, ce que je trouve là-bas chaque fois. Le rythme lent de la terre, où les vies passent doucement pas à pas. Si tu savais mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas. Au cœur des monastères, les dieux s'inclinent devant tant de fois. Ici nos âmes sont grises, les gens ne se regardent pas. Nos sentiments s'enlisent et l'on ne voit que ce que l'on n'a pas. Eux tu sais quand ils disent, pas besoin de signer en bas. Chaque matin, chaque brise, c'est ton corps qui parle pour toi. Si tu savais mon frère, où je me retrouve quand je suis là-bas. Dans le chant, leur prière, où j'aime tant mêler ma voix. Si tu savais mon frère, comme chaque jour est fort là-bas. Les bonheurs, les misères, tout se partage, même le moindre repas. Le pain et les chimères, la peur de l'au-delà. Juste offrir et se taire, sans réfléchir, juste comme ça. La crainte du tonnerre, la mort qui vient déjà. C'est tout leur univers qui partage simplement avec toi. Si tu savais, il suffit de donner. Si tu savais, aimer c'est partager. Tu savais, c'était Yannick Noah. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. 11h17, on accueille Mickaël. Mickaël, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mickaël? Bah ça va très très bien, mieux que le temps en tout cas. Profitez de votre jardin? Bah non, forcément. Ah non, non, je suis pas chez moi, donc voilà, je profite pas de mon jardin. Voilà, c'est une bonne raison. Et puis il fait mauvais. Et puis vos meubles de jardin, bah visiblement il y a un problème. C'est pour ça qu'on est ensemble au téléphone. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez acheté des meubles chez Carrefour, c'était en mai 2015. Il y a un an donc. Hein. Ouais. C'était au Carrefour de Wavre donc. Et donc j'ai profité des offres qui se font en début d'année pour le printemps. Donc il y a des offres sur les meubles de jardin. Et donc j'ai acheté ces meubles, c'est 6 chaises et une table. Et alors je demande la livraison à domicile au Carrefour de Wavre. Ouais. Chose qui se passe. Donc on me livre le matériel un jour, un samedi vers 7h du matin. Donc le colis arrive, je déballe. Le camion est déjà à peine parti, que je vois déjà des problèmes de malfaçon, pas carcés, mais des malfaçons. C'est-à-dire que sur le, on appelle ça le sticker, je pense, enfin le dossier, etc. Des sièges sont totalement abîmés, cassés par certainement des craquures, des choses comme ça. Les bouchons pour les pièces de métal, des accoudoirs et tout comme ça sont manquants. Ok, donc là il y a un gros problème. Et là vous retournez vers le magasin. Tout à fait. Donc la première chose que je fais, je prends, je pense qu'Agnès ira dans mon sens si elle nous entend. Ben j'ai fait ce que tout le monde fait, c'est des photos. J'ai envoyé une lettre recommandée au siège de Carrefour avec la photo et un dossier complet pour bon dire réflexe. Voilà les malfaçons. Je leur voyais la seule chose. Pas recommandé qu'ils puissent hein, donc dans les règles. Tout à fait. Pas de nouvelles. J'ai quand même une nouvelle de Carrefour, je pense c'est 2 ou 3 semaines après, qui me disait qu'ils avaient bien reçu mon dossier, donc ça c'est toujours une bonne chose, j'ai un beau numéro de dossier. Mais depuis, malgré des coups de fil, parce qu'après bon je n'ai plus envoyé de courrier, je n'ai plus fait que des coups de fil. Je suis même présenté personnellement deux reprises au Carrefour de Wavre à l'accueil du magasin qui m'a dit que c'était pas son domaine. J'ai eu une dame qui s'appelle Bénédicte D. qui m'avait conseillé à envoyez-nous un email, etc. Ils m'ont donné un email qui n'existe pas. Okay, donc, d'accord. Voilà. Bon, il y a des faut savoir qu'effectivement, vous ne savez pas ramener la marchandise au magasin puisque ces meubles ne sont pas pliables et vous n'avez pas la camionnette permet effectivement de ramener ce matériel au magasin, ce qui aurait simplifié les choses. Mais là, vous attendez de Carrefour qui vienne rechercher vos meubles puisqu'ils vous ont livré le matériel. Ça fait un an. Ça fait un an. Et c'est vrai qu'il a fait beau l'été passé. Vous avez fait quoi alors, Michael? C'était horrible, sans doute. On n'en a pas profité du tout, vu que pour l'instant, je les mets de côté et je m'en sers pas. Ça vous a compté combien, cette histoire? Ça vous a coûté combien? Je pense que c'est environ 290 ou un truc comme ça. Bon, plus la livraison, 30, 40 euros de livraison. On téléphone chez Carrefour? On va régler ça, on va tenter l'impossible. On a le porte-parole de Carrefour Belgique au téléphone. Baptiste Van Autrive, bonjour. Bonjour. Alors, il y a un dossier chez vous, mais il n'y a plus de dossier chez Michael parce qu'ils sont abîmés, visiblement. Vous avez pris connaissance de ce dossier. Qu'est-ce qu'on peut dire chez Carrefour de cette histoire? Déjà que nous excusons, bien évidemment, chaque produit qui doit être livré ou quitté livré doit normalement être en bon état. Et là, nous avions eu la confirmation que les boîtes étaient OK, mais que bien évidemment, selon les photos également, qu'il y avait un problème avec ces meubles. Donc ce dossier existe bien évidemment. Nous avons, si je ne me trompe pas, confirmé effectivement ce dossier à monsieur. Et ce que nous avons essayé de faire l'année passée, nous avons donc commandé de nouveaux meubles pour monsieur. Et nous avions essayé de contacter monsieur par téléphone. Là, malheureusement, à plusieurs reprises, nous avons essayé de contacter monsieur, mais semblablement, selon le dossier, monsieur n'avait pas de répondeur et donc on n'a pas pu laisser de message. Ce qui ne veut pas dire que finalement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de répondeur et qu'on n'a pas pu contacter monsieur que pour nous, le dossier doit être fermé. Est-ce qu'il y avait quand même une adresse postale où vous pouviez envoyer un petit... Mais Michael, c'est quoi cette histoire? Vous n'avez pas de répondeur aujourd'hui? Non, mais attends, on est en 2007. Allô, quoi? Oui, c'est une époque où j'avais pas de répondeur sur mon GSM pour des raisons professionnelles, car c'est un GSM professionnel. Donc, voilà. D'accord, ok, voilà. Bon, alors maintenant, que peut-on faire du côté de Carrefour? Mais je pense que déjà pour nous, comme je vous ai expliqué, le dossier ne doit pas être clôturé pour la simple raison que monsieur a un problème et il faut trouver une solution pour son problème. Donc là, ce que je propose à monsieur, comme il s'agit en premier lieu de meubles qui avaient été vendus l'année passée, que nous avions effectivement commandé de nouveaux meubles pour monsieur, mais qui sont là en dépôt depuis un an, qui ne va pas aider monsieur non plus, c'est de lui proposer un bon d'achat pour de nouveaux meubles et comme ça, il peut acheter pour la même valeur qu'il les avait achetés l'année passée. De nouveaux meubles et qu'ils se fassent livrer selon les meubles qu'ils souhaitent et qu'ils préfèrent d'une gamme de 2016 et non pas d'une gamme de l'année passée. Mais là, le prix n'a pas augmenté par rapport à 2016 dans quel cas? Ce n'est pas le but. Monsieur aura le choix de commander ce qui lui convient le mieux dans la gamme de cette année. Comme ça, il aura des meubles neufs et modernes et non plus quelque chose qui date de l'année passée. Et vous offrez le voyage également aux meubles, si je puis dire, le transport. Pardon. Vous offrez le transport également puisqu'il y avait eu frais de transport. Gratuit, bien évidemment. Oui. Bon, Michael, une solution qui vous convient ou pas? Bah écoutez, s'il y a moyen encore en cette saison de trouver des meubles de jardin chez Carrefour, pourquoi pas? Mais je ne sais pas s'il y en a encore. Baptiste Van Autrive, oui, je présume, il y en a encore. Hein. Oui, bah alors il y en a suffisamment. Oui. Donc voilà. Donc c'est super. Donc voilà. Alors un truc, ne laissez pas le camion repartir tant que vous n'avez pas ouvert les colis pour voir si. Oui. Si tout est correct. Et vérifiez les appels en absence sur votre GSM. Oui, hein, si il est marqué Carrefour, décrochez. On remercie Baptiste Van Autrive d'avoir solutionné ce dossier, de l'avoir pris en charge. Et puis, Michael, vous nous faites une belle photo quand il fait beau dans vos meubles de jardin que vous aurez été achetés. D'accord? On fait comme ça? Ah, on fait ça, très bien. Merci à tous les deux. La pub, il y a Alan Walker qui arrive côté musique. Et dans le journal de la conso, qu'est-ce qu'on nous dit, Aurore? Ah, on va parler notamment des matelas pour voitures qu'on place sur les banquettes arrière. Pas bien. Dimanche 26 juin, je vais aux portes ouvertes de l'IPEA. Pas cool. Tu rigoles, c'est génial, ouais. Les fleuristes créent et exposent devant toi. Tu peux visiter les serres et les ateliers agricoles, voir les grimpeurs et lagueurs en action, observer les expériences des sections biotechniques et environnement. Mais c'est top. Métiers des sciences et de la nature de la première à la sixième secondaire. Bachelier en agronomie. Dimanche 26 juin, de 10 à 18 h. Portes ouvertes et inscriptions au Centre provincial agronomique de l'Arrêt, Route du Canada. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Walker sur Vivacité avec Faded. On part sur les routes, sur Marstrel, comment ça se passe? Ça se passe pas très bien si vous êtes sur le 40, car un accident s'est produit, l'axe Bruxelles-Gand, kilomètre 19 à hauteur d'Alost, où le passage est difficile en direction de Gand. Sur le ring de Bruxelles, la circulation intérieure est toujours ralentie entre Hall et Anderlecht Industrie vers Grand-Bigard. C'est comme ça toute la journée de toute façon, car il y a des travaux. Pour la circulation extérieure entre Groenendaal et Oulart vers Zaventem, entre Woluwe et Saint-Etienne et Diegem, entre Strombeek et Jette aussi vers Grand-Bigard, entre Anderlecht et Forêt vers Mons, car là aussi il y a des travaux. En ce qui concerne les axes vers Bruxelles, petit changement qui arrive à l'instant avec les derniers ralentissements sur le 411 venant de Namur entre Jesus-Eyck et Léonard. Et puis, il y a une manifestation à Bruxelles. La rue de la Loi est fermée, c'est confirmé. Voilà, confirmé la circulation. Au niveau de la petite ceinture, c'est une manifestation spontanée. Il se dirige pour l'instant vers le centre-ville avec forcément d'importants embarras de circulation. C'est dans Bruxelles. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Passons au journal de la conso, c'est dans la presse du jour, on apprend que la Poste va lancer une nouvelle plateforme pour la livraison de ses colis. Benjamin Maréchal l'évoquait aussi dans son émission juste avant. Oui, vous avez toujours rêvé d'être livreur de colis, ah ouais. Bien, ce sera désormais possible grâce à Bringer. C'est une plateforme qui permet à monsieur et madame tout le monde de livrer des colis. C'est un peu le Uber du colis, si vous voulez. Le montant de la rétribution dépendra de la distance, du poids et de la taille du colis, ainsi que de sa nature. Ce sera en tout cas moins cher, mais plus lent que Bipost. L'expérience sera testée dans un premier temps à Anvers. Ce sera généralisé si tout va bien. Les syndicats ne sont pas très contents. Bah, tu m'étonnes peu, Didier. Peu, tu m'étonnes un petit peu. On poursuit avec l'IBSR, l'Institut belge pour la sécurité routière, qui met en garde contre les matelas dans les voitures. Oui, c'est apparemment la mode du moment. Installer un matelas gonflable sur la banquette arrière. Vous l'avez jamais fait ? Pour permettre... Non, jamais. Bah, attends. Vous avez déjà fait alors, ça ? Non. On a tous connu ça quand on était petits, peut-être. Mais la sécurité, aujourd'hui, tu n'envisages même plus ça. On a tous dormi à l'arrière des voitures, allongés... Oui, sauf qu'ici, c'est vraiment un matelas spécial qui va remplir, si vous voulez, l'espace où on met ses pieds d'habitude. Ouais, et ça permet du coup de dormir même à deux personnes, si on veut, en étant allongé. Oui, enfin, c'est ça. C'est dangereux. Ça. Alors, à la base, c'était prévu pour les personnes qui faisaient des voyages et qui s'arrêtaient pour dormir. Mais le problème, c'est que l'IBSR constate que de plus en plus, c'est utilisé par les personnes pour faire dormir les enfants pendant qu'on conduit. C'est pas bien. Mais non, parce que je vais vous donner un petit chiffre qui va tout de suite calmer les esprits. Un enfant de 25 kilos se transforme en une masse de 800 à 1000 kilos. Et cette masse va évidemment cogner, en cas de choc violent, va cogner le fauteuil des parents, enfin le siège des parents. Parce qu'il n'y a pas de ceinture, évidemment. On ne peut pas mettre la ceinture si on utilise ce matelas. Et donc l'IBSR constate qu'ils ont reçu beaucoup de coups de fil de personnes qui demandent si c'est bien ou c'est pas bien. Elles disent, non, forcément, c'est pas bien. Le souci, c'est que c'est vendu. On trouve très facilement ces matelas sur Internet. Et justement, dans les petites vidéos de démonstration, ils montrent des enfants qui dorment à l'arrière. Donc voilà. Et sur le mode d'emploi, il n'est mis nulle part qu'on ne peut pas l'utiliser tout en conduisant. Mais c'est bien si on ne conduit pas, si on ne roule pas. C'est efficace. Ah oui, si vous voulez vous arrêter, si le véhicule est à l'arrêt. Les enfants, on les attache, s'il vous plaît, avant de partir en vacances. C'est quand même le béaba de la sécurité. Et on les désattache après les vacances. Oui, c'est... En fait, c'est ça. On les attache pendant les vacances, pendant que toi, tu vas à la piscine, pour être tranquille. Bon, si vous pensez qu'il y avait beaucoup de limaces cette année dans vos jardins, vous ne rêvez pas, le phénomène est confirmé dans les journaux aujourd'hui. Oui, on comptait ces dernières semaines 300 000 limaces par hectare. Est-ce qu'on peut me donner le nom du mec qui a compté les 300 000 limaces sur un hectare ? Il y a un spécialiste. Faut qu'on l'appelle, lui. Il est interrogé dans la presse aujourd'hui. Donc, 300 000 limaces par hectare, si vous sortez les calculettes. Oui. Mais voilà, ça fait 30 limaces par mètre carré. Ça, c'est plus facile à compter. Parce qu'en temps normal, normalement, on ne trouve que 8 limaces par mètre carré. Alors, c'est la faute à qui ? La météo, mon cher monsieur. Un temps très humide, mais pas très chaud. Et en plus, comme il n'a pas fait très froid en hiver, les œufs des limaces ont survécu à l'hiver. Donc, il y en a encore plus. Et pour ajouter un petit peu à ça, le temps humide fait que les prédateurs naturels des limaces ne sortent pas. C'est notamment feignant. Les scarabées, ils restent bien à l'abri vu que le temps est humide. Et du coup, il y a plein de limaces. T'imagines, comme dans les films d'horreur, les limaces prennent le pouvoir, elles sont partout, il y en a plein les rues et... Non ? Ok, d'accord. Ce serait un beau film d'horreur. Bref, si vous cherchez un remède contre les limaces, on vous rappelle, Hubert a fait un sujet là-dessus, vous le trouvez très facilement en tapant Hubert, limace, pigeon, voilà. Voilà, c'est comme j'ai ça. J'ai fait le test, vous le trouvez tout de suite. Et puis on termine avec les journaux du groupe Sud Presse qui nous rappellent aujourd'hui que le festival Couleur Café est un festival qui fait très attention à la planète. Oui, festival qui se tiendra à Bruxelles du 1er au 3 juillet. Il mise sur la protection de l'environnement avec 180 points de tri sur le site et 300 éco-stewards qui vont veiller au grain et vous aider à bien trier. Alors on trie les PMC, les déchets organiques et le reste dans une troisième poubelle. Ça, c'est pour le public, mais derrière les scènes, les déchets sont aussi mis dans 8 poubelles différentes. Il y a le bois, le métal, etc. Résultat, 60% des déchets sont recyclés. Ah bien. Et un festivalier produit 850 grammes de déchets pour Couleur Café par jour, alors que dans un festival traditionnel, c'est 1,5 kg par festivalier. Donc on voit déjà une belle différence. On peut aussi noter les assiettes et les couverts biodégradables, une réflexion sur l'alimentation qui est proposée sur le site, et les transports en commun gratuits prévus dans le pass. Bref, si vous hésitez encore entre plusieurs festivals, ça pourrait vous intéresser comme un. Voilà, c'était dans la presse du jour. Eros Ramazzotti arrive. Et puis, on s'intéresse aux tablettes et aux enfants. Et il ne faut pas prendre la tablette avant d'aller au lit, ça on le sait et on vous le répétera.

Eros Ramazzotti en souvenir avec Piu Bella Cosa, souvenir de 1996, ce morceau a 20 ans. Dingue. Ça veut dire quoi, Piu Bella Cosa? Ça veut dire Piu Bella Cosa. Plus belle chose. Oh. Mais c'est ah, elle est italienne en fait, c'est ça? Il y a des origines. Oro Salsano. Oui. Ah, il y a des origines. Maintenant, je ne parle pas italien. Oh, je vais donner une traduction approximative. Hey, je parle ardennais, moi. Je suis ardennais, je parle ardennais. C'est vrai. Tu es italienne, tu devrais parler italien. Non. Tant si. Si. On n'est pas des pigeons. Bon, Xavier, fini le temps du papier aujourd'hui. On le savait déjà, mais ce qu'on imaginait moins, c'est que les tout petits sont concernés. Hein. Et oui, exactement. Souvenez-vous, Sébastien, du bon vieux Martine à la plage qui sentait l'encre et la poussière que vous ressortiez de l'armoire à livres chez grand-mère. Souvenez-vous du club des cinq. Oui, oui, oui. Qui oui, vous faisait devenir un aventurier l'espace d'un instant. Souvenez-vous de vos premiers émois sexuels après avoir piqué discrètement le San Antonio de papa. Oh non, le 3 Suisse, c'était bien ça. Eh bien, tout cela, c'est fini. Exit le papier. Les jeunes ont la tablette et ils l'utilisent jusqu'au lit. Selon un sondage effectué par les fonds de maladie de la Mutualité chrétienne auprès de 2300 de ses membres, un quart des petits-enfants utilisent une tablette ou un ordinateur dans la demi-heure qui précède le moment d'aller au lit. Pour les enfants qui sont à l'école maternelle, la proportion est même d'un enfant sur trois. Et c'est pas sans conséquence, principale d'ailleurs conséquence de cette utilisation de tablettes un petit peu accrue. Eh ben, alors, en fait, stimulés par les écrans, les enfants sont moins vite fatigués et s'endorment donc beaucoup plus difficilement. On parle de cette fameuse lumière bleue, hein, c'est ça le problème. Exactement, la lumière d'affichage bleu des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres smartphones, eh bien, à cause d'elle, les enfants produisent moins rapidement l'hormone mélatonine. Vous savez encore ce que c'est que la... Ça, c'est le qui endort. Du voilà. Sommeil. C'est celle qui provoque la fatigue. Et donc, pour eux, s'endormir devient beaucoup plus difficile. Mais la télé, c'est la même chose? Alors oui et non, les écrans de téléviseur produisent aussi de la lumière bleue, mais primo, on est assis plus loin de l'écran, ouais, c'est vrai. Et secundo, on regarde... Secundo est pas mal l'italien, moi. Oui, oui, tu tiens bien. Décidément. On regarde la télé de manière nettement plus passive que le fait de, vous savez, de balayer, de cliquer sur un écran d'une tablette. Mm-hmm. Et donc, cela exige beaucoup moins de concentration et donc on est beaucoup moins réceptif à cette lumière bleue. Le conseil à donner, éteignez les tablettes, évidemment. Éteignez les tablettes, évidemment. Et puis, gardez, conservez ce rituel de lire une histoire à vos enfants quand vous les mettez au lit. Ça les endort beaucoup plus facilement. Ils ont... Non, alors, voilà. Racontez-leur l'histoire de Freddy Krueger. Non. non, justement, lisez une histoire qui endort, ça permet de se relâcher complètement et en général, le sommeil est beaucoup plus réparateur. Et certaines études ont même prouvé que lire une histoire à ses enfants avant d'aller dormir les rendait plus intelligents. Et les liseuses, alors, les liseuses, c'est déconseillé aussi? Non, c'est pas la même chose. L'écran des liseuses est différent que l'écran d'une tablette et ce serait moins... moins violente pour les yeux. Maintenant, le bon vieux papier, un bon bouquin pour dormir. C'est vrai qu'une histoire en plus, c'est gay, c'est un chouette moment à passer avec ses enfants. Vous avez une histoire là pour nous tout de suite? Histoire de Patache Lavache. Moi, c'est ça que je lis tout le temps. Pour le moment, j'ai droit à Patache Lavache tous les soirs. Patache Lavache, raconte en deux mots. Oh, bah c'est Patache Lavache qui va dans son jardin avec des bottes en caoutchouc. Voilà. C'est bien. Et ça apprend les mots à chaque fois. Elle a quel âge? Elle a 2 ans et demi. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Et ça marche. Et ça marche. On va parler des arômes, si vous voulez bien, dans quelques minutes. Ce sera après Amir. Prête à surfer l'immense vague et trébucher sur un château de sable? Même ce que vous n'avez pas imaginé, nous y avons pensé. Votre assurance voyage à partir de 20 euros. Europeassistance.be. You live, we care. Vivacité à Esneux, en toute complicité, sur 90.5 FM. Montagne, mer ou forêt cette année? Avec Jaspers, l'exclusif Adria, plus besoin de choisir. À vous la liberté, le matin la montagne, l'après-midi en forêt, et les pieds dans l'eau en fin de soirée. Camping-car, motorhome, caravane, accessoires, tout pour des vacances rêvées. Jaspers, 178 chaussée de Bruxelles, au pied de la tour E40 à Aouen. Ne soyez pas hors-jeu, préparez vos vacances avec Jaspers.

de faire profiter un maximum de ça. On est d'accord ? Ce serait dommage. Ce serait dommage. Pas en profiter à fond. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'au mois de janvier. C'est que pour ça. François, il n'est pas là. Donc, vous êtes moins bon. Mais François, il avait été particulièrement brillant parce qu'il nous avait parlé d'arômes en janvier. Ça donnait ça. On n'est pas des pigeons, le best-of. Alors parfois ils sont naturels, ça veut dire que le fruit est bel et bien utilisé pour apporter le goût, mais souvent aussi l'arôme est synthétique, ça veut dire que c'est un goût qui est chimiquement reconstitué. Ce procédé coûte forcément beaucoup moins cher que les fruits frais. Les vrais fruits, ce sont donc les arômes, et c'est un sujet, vous allez en entendre, passionnant. Avec nous par téléphone, Marie-Laure Fauconnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande spécialiste des arômes. Vous êtes entre autres professeur à l'Université de Liège qui propose un certificat en arômes et innovation. Alors, sans rentrer dans les détails, essayons d'abord de faire la part des choses entre arômes naturels et arômes artificiels. Marie-Laure Fauconnier, si je lis sur une étiquette arôme naturel de vanille ou arôme naturel vanille, est-ce la même chose ? Oui, c'est la même chose. Donc effectivement, on peut, lorsqu'il y a plus de 95% donc de l'arôme qui est constitué par une matière première unique, comme dans le cas que vous citez ici, on pourra effectivement utiliser cette dénomination-là qui est tout à fait correcte. Si maintenant, dans une liste d'ingrédients, il y a le mot arôme seul, ça veut dire que c'est chimique. Comment fait-on pour reconstituer le goût, par exemple, de la vanille sans avoir de vanille ? Alors, on peut effectivement, quand on voit le terme arôme tout seul, c'est généralement assez mauvais signe. Ça veut dire effectivement qu'on a affaire à un arôme qui est synthétique. Alors, on peut reconstituer d'un point de vue technique, il n'y a aucune limitation. Donc, on peut effectivement inventer tout ce que l'on veut comme arôme et on peut effectivement reconstituer un arôme synthétique de vanille à partir de vanilline de synthèse et d'autres composés. Aujourd'hui, sur les chips, on voit arôme saucisse de Francfort, huître au piment d'Espagne, pelettes, des chips arôme salsa. Comment fait-on pour inventer ces goûts-là sans une huître dans le paquet ? Alors effectivement, il n'y a absolument, comme je vous le disais, aucune limite. Simplement, l'imagination des personnes qui font du développement dans les entreprises agroalimentaires. Il suffit simplement d'essayer de... On va utiliser à ce moment-là des molécules qui peuvent être naturelles ou synthétiques. On va les assembler comme quand on fait un parfum. C'est exactement le même principe. Et on va les associer pour évoquer l'arôme effectivement d'huître. Il n'y a absolument aucune limite. On pourrait faire des chips à la grenadine ou un yogourt à la saucisse de Francfort. Ah oui, bonne idée. Je commercialise. Je suis parti. Il n'y a absolument aucune limite. On a des centaines, des milliers même de molécules que l'on peut utiliser, qui sont autorisées dans l'agroalimentaire et que l'on va pouvoir combiner, généralement quelques dizaines, pour à ce moment-là recréer un arôme. Et là, franchement, il n'y a pas de limite. Mais ça veut dire que, allez, dans les parfumeries, on les appelle les nez. Qui crée les arômes alors ? C'est des nez aussi, version scientifique, oui, laboratoire ? Oui, tout à fait. Ce sont des aromaticiens, c'est un métier. Ce sont des gens qui recréent effectivement des arômes en respectant toujours la demande du consommateur, des arômes naturels, des arômes synthétiques. On peut travailler également à partir d'extraits naturels. Donc tout est possible et ce sont effectivement, comme les nez, des gens qui vont composer un arôme. Ce sont les bouches quoi ? Des palais, des papilles gustatives. En préparant cette interview, Marie-Laure Fauconnier, vous m'expliquez aussi que on peut reconstituer ce goût avec plus ou moins de molécules. C'est bien ça ? Oui, effectivement, comme pour beaucoup de choses, c'est une question de prix. On peut donc avoir un arôme qui va être excessivement complexe, tout comme un parfum qui va vraiment être agréable, je vais dire, avec des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond. Et on va y mettre le prix, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nombreux ingrédients qui vont entrer dans la composition. Comme on peut recréer des choses très simples, avec parfois 2-3 molécules, on peut vraiment évoquer un arôme de fraise ou un arôme de pomme. Mais plus il y a de molécules, par exemple, que je coupe, plus il y aura de molécules pour la fraise, plus le goût sera subtil et proche d'une vraie fraise. Tout à fait. C'est une question effectivement de complexité de formulation. Ça prend beaucoup plus de temps à développer. Et effectivement, plus on va pouvoir mettre d'ingrédients, plus on va pouvoir se rapprocher de, je vais dire, du fruit, du légume ou de l'huître que l'on veut imiter. Donc c'est effectivement une question de prix et de temps pour le développement. Et également du temps qu'on va passer pour adapter l'arôme à la matrice dans laquelle on va l'insérer. Puisque là, il y aura ici des différences. Oui. Certains pourraient dire, mais c'est n'importe quoi d'avoir des chips au goût huître, piment d'Espelette. Mais il y a vraiment un gros intérêt pour l'industrie agroalimentaire de proposer ce genre de choses-là. Alors je pense que quand ils le proposent, c'est qu'effectivement il y a une demande. Je pense qu'on a des consommateurs qui ne sont pas tous les mêmes, nous sommes chacun différents, et il y a effectivement une part de consommateurs, on peut identifier des ados ou des jeunes qui vont rechercher ces arômes un petit peu particuliers, un petit peu originaux, et on peut également retrouver des consommateurs qui vont vouloir se tourner vers des produits beaucoup plus naturels, sans arôme du tout, ou avec des extraits naturels qui constituent majoritairement la partie aromatique du produit. Donc on a des consommateurs qui ont des attentes diverses, et les entreprises agroalimentaires y répondent en produisant des produits qui sont effectivement très très différents, du côté un petit peu amusant jusqu'à des choses beaucoup plus naturelles. Passionnant. Franchement, c'est passionnant comme truc. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer ? Est-ce qu'on peut encore... Je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut imaginer un concept de saveur, genre la maison de ma grand-mère ? Hein ? Mais oui. Ça sent quoi, chez ta grand-mère ? Alors, attendez. On a tous... Mais non, c'est un exemple que je prends comme ça parce que j'en ai pas trouvé un, mais... Oui, mais des souvenirs d'enfance. Des souvenirs quoi, d'enfance où on a associé, par exemple, plusieurs saveurs qu'on pourrait... Ou alors, est-ce qu'il y a un moment, les papilles sont saturées et peuvent pas peut-être percevoir trop de combinaisons ? Alors c'est très difficile de recréer pour quelqu'un d'autre une perception qui effectivement, quand je rentrais chez ma grand-mère, il y avait une odeur, je voudrais la retrouver. C'est très difficile de le faire pour quelqu'un d'autre, mais d'un point de vue technique, on pourrait y penser. En parfumerie, on va par exemple retrouver des notes qui vont rappeler la poudre de riz quand on embrassait sa grand-mère. Ou la savonnette à la rose, ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Donc on peut effectivement imaginer tout ce que l'on veut, mais recréer vraiment cette sensation que l'on a eue, c'est quelque chose qui est tellement personnel que je pense que ça, c'est vraiment très difficile à faire. Ou alors, si Aurore a plein de sous, elle peut le faire rien que pour elle. Mais on a compris qu'il n'y avait pas de limite dans le domaine. On n'est pas des pigeons, le best-of. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité, que se ternissent les rêves. Dans ma réalité, je veux des balades sur la grève. Oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve. Dans ma réalité, que neige, une planche de salut. Loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage. Oubliez ton lointain visage, que neige. Planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout, je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd, ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh. Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. C'était Frérot de la Vega avec Ton visage. Les infos de midi arrivent, on se retrouve derrière pour la deuxième heure de cette émission. Cette année, Hawaï se met à l'heure d'Hawaï pour la braderie d'été. Du 23 au 26 juin, les meilleurs prix dans une ambiance de fête hawaïenne. Bar, animation musicale, menu hawaïen et nocturne le vendredi jusqu'à 22h. Rendez-vous à Hawaï. Non, à Hawaï du 23 au 26 juin. Hawaï, il s'y passe toujours quelque chose. hawaïcommerce.be. UE. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Les deux derniers matchs du groupe B, but après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Info et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Marianne Brillo. Bonjour Marianne. Bonjour à tous. C'est la plus grande étude menée jusqu'ici en termes de ressenti par rapport à la sécurité routière des Européens de 17 pays interrogés avec un objectif, rectifier le tir et revoir peut-être certaines politiques à mener sur nos routes. Le Belge est celui qui est le plus conscient de l'importance du port de la ceinture, même à l'arrière. Mais pour le reste, il faut bien le dire, nous sommes médiocres pour la vitesse, la fatigue au volant et l'alcool. Plus de 8 Belges sur 10 estiment qu'il faudrait une tolérance zéro en matière d'alcool pour les conducteurs débutants. Écoutez, Benoît Godard de l'IBSR, l'Institut belge pour la sécurité routière, qui a participé à l'étude. 18% des Belges disent « Au cours du mois écoulé, j'ai repris le volant en étant probablement au-dessus de la limite légale ». Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la mentalité. Dans certains pays comme le Royaume-Uni, la Suède, on ne boit pas moins qu'en Belgique, mais là, il est totalement inconcevable de reprendre le volant après avoir bu. Et 30% des gens connaissent quelqu'un qui reprend le volant en ayant bu. Oui, c'est le résultat le plus mauvais de toute l'Europe. C'est beaucoup plus que dans des pays comme la Finlande ou la Suède. Et là, on voit vraiment qu'au niveau de la mentalité, de la norme sociale, il y a beaucoup de travail en Belgique. Et par exemple, les restaurateurs qui mettent en avant des menus où on privilégie l'eau, les discothèques où on octroie un label, s'ils mettent également la consommation de soft en avant. Tout ça, ce sont des bons exemples qui vont faire en sorte que la personne qui ne boira pas lorsqu'il sortira ne sera pas vue comme un espèce de malheureux, mais vraiment que ce sera mis en valeur. Et c'est vers ça qu'on doit aller. Benoît Godard de l'IBSR, interrogé par Odile Lehert. Le syndicat FGTB mène depuis ce matin toute une série de blocages, d'actions de blocage dans la région du centre, avec des actions dépôt de carburant de Feluy au plan incliné de Ronquières, mais aussi à l'écluse d'Avray près de Mons, des actions qui s'inscrivent toujours dans les manifestations anti-mesures gouvernementales. Déplacement à Paris pour la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles. Les députés vont rencontrer leurs homologues français qui enquêtent, eux, sur les attentats de Paris. Un hommage a eu lieu ce matin, il y a une petite heure maintenant, devant la salle du Bataclan, là où les terroristes ont abattu 90 personnes le 13 novembre, moment de recueillement avec des fleurs déposées en hommage aux victimes. Le président de la commission parlementaire belge, Patrick De Waal, a insisté sur la nécessité de la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme, que ce soit sur le plan judiciaire, policier ou politique. Le gouvernement fédéral veut supprimer quelques 10 000 places d'accueil pour les demandeurs d'asile parce que la demande diminue. Quelques 200 personnes ont manifesté ce matin contre cette décision devant l'Office des étrangers à Bruxelles. Pour la CSC, le secteur associatif, la crise migratoire est loin d'être terminée. Parmi les places supprimées, près de 2 000 dans des logements individuels. Des places qui sont gérées par des associations comme Caritas International. Des places qui existent depuis près de 20 ans. Mais le gouvernement veut modifier la convention qui le lie à ces associations. La déception de Julie Van Staal de Caritas International. On a envie de faire persévérer ce modèle. C'est un modèle qui est le moins cher, qui est très qualitatif puisqu'il donne un accompagnement de qualité mis en place par des ONG. C'est un modèle qui permet aussi une intégration plus rapide dans nos sociétés puisqu'on habite déjà dans son quartier, on apprend à connaître les voisins, on apprend à se débrouiller tout seul. C'est un modèle qui favorise l'autonomie très fortement hein, puisqu'il faut s'organiser soi-même pour apprendre à vivre dans ce logement pendant que vous êtes encore demandeur d'asile. Et si vous êtes reconnu, ça vous facilite la vie par après. Une interview de Baptiste Tupin. Ce lundi, c'est la journée mondiale des réfugiés. 65 millions de personnes déplacées dans le monde à ce jour et c'est un niveau record. L'Euro de football, les Diables Rouges à l'entraînement cet après-midi à 16h30 à Bordeaux, avant leur départ pour Nice demain. C'est là que la Belgique affrontera la Suède mercredi soir pour une qualification 8e de finale. Ce soir, deux matchs à 21h, deux rencontres à suspense, puisqu'aucun des quatre pays du groupe B n'est encore qualifié pour ses 8e de finale. Russie, Pays de Galles, ce sera un match à haut risque et Angleterre, Slovaquie. RTBF Mobile Info avec Jean-Marc Strel. Oui, petit tour sur le ring de Bruxelles où il y a toujours des ralentissements à l'intérieur entre Halle et Anderlecht Industrie vers Grand Bigard dans la zone des travaux. Entre Wezembe-Coppem et les 4 bras de Terveren vers Waterloo pour la circulation extérieure entre Woluwe, Saint-Etienne et Zaventem vers Grand Bigard, entre Anderlecht et Forêt vers Mons dans la zone des travaux également. On me confirme à l'instant que la manifestation des sans-papiers rue de la Loi est complètement terminée, donc il n'y a plus de problème dans le centre de Bruxelles, en tout cas lié à cela. Le 411 pour y accéder justement à Bruxelles connaît quelques ralentissements venant de Namur entre Jesus Eik et Léonard. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Midi 30 les titres à 13h, le journal de Viva, ce sera avec Manu Delporte. Merci Marianne, bel après-midi. Préparez vos vacances avec les Summer Deals de Dee. Produits solaires, mini format, premier soin, les indispensables pour l'été sont chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. On n'est pas des pigeons sur Vivacité. Et hop là, au programme de cette deuxième heure, vous voulez qu'on parle de quoi ? De plein de choses. Vous voulez un petit quiz avec Robert Rémy ? Ah oui, ça vous tente ? Ce sera forcément axé sur la nourriture, puisque le lundi, Robert nous parle plus de nourriture que de repassage, ça c'est sûr, c'est son... On pourrait lui demander, mais je pense qu'il s'y connaît plus en nourriture. Il y aura Carlo aussi, enfin c'est une séquence best-of, Carlo et son chicon, qui nous dira tout sur son chicon. Et là... Il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire. Et puis on aidera Kate, qui a un souci avec Monsieur Bricolage, Frédéric, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, elle s'est présentée à la première heure pour profiter d'une promo, un pack lavabo avec tous les accessoires. Ouais. Elle le voulait ce lavabo, elle en rêvait de ce lavabo. Il était beau, beau, beau le lavabo. Et comment, il était le bidet, mais elle voulait le lavabo. Sauf qu'il était plus disponible alors qu'elle était la première cliente de la journée. Ça c'est fâcheux, ça c'est embêtant. S'il y a des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons, vous pouvez aussi le faire via le mail. L'adresse c'est pigeon@rtbf.be. Et puis notre répondeur aussi vous attend, 070 222 660. Côté musique, il y aura elle. Ça c'est pour la fille, il y aura un garçon aussi. En gros, il y en a pour tout le monde dans cette émission. C'est pour ça que vous l'écoutez par millions. De par le monde. Oui, de par le monde, effectivement. Vous écoutez Vivacité, si on n'est pas des pigeons, on est encore ensemble pendant une petite heure. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. To come on, défie. Tu te lèves. Ta voix perdue sur les... love life. John Maman avec Love Life. Vas-y Xavier. La la la la la la la la la la la la la. Et ben, on dirait Tataillé qui chante. Mais c'est vrai. Mais t'as raison. Sortez votre main de mon. C'est délicieux, delicious. Que c'est bon. Voilà. Nous sommes lundi. On accueille Robert Rémy. Bonjour Robert. Bonjour. On a envie de faire un quiz. Est-ce que vous êtes partant? Partant d'office. C'est-à-dire que je vais poser des questions à mes petits condisciples autour de la table. Vous qui nous écoutez à la maison en voiture, vous n'êtes évidemment pas obligé de répondre, mais vous pouvez jouer. Si, parce que si vous répondez, on ne vous entendra pas. C'est ça le problème. On a des buzzers. Non, tu vas faire D'accord. Okay. Alors je vais poser des questions et c'est Robert qui amènera les explications. On va parler de poulet industriel. Il est commercialisé après 40 jours d'élevage, le poulet industriel. Pour le poulet bio, la durée d'élevage minimale est de combien? 50, 55, 70, 5 ou 81 jours? 55. 81. L'autre là, 75, c'est ça? 75. 70. La bonne réponse, Robert? 81. Oh, 80. Comment 81 jours, oui, c'est le double hein, pratiquement que pour un poulet industriel. C'est vrai que bon, la durée d'élevage, ce n'est évidemment qu'un des éléments déterminants de la qualité. Hein. Deux autres sont également importants, à savoir l'alimentation du poulet et les conditions d'élevage. Et dans le cas du poulet bio, par exemple, eh bien, l'alimentation, elle doit renfermer 80% minimum d'ingrédients bio et chaque poulet doit disposer d'un espace minimum de 4 mètres carrés. Ça veut dire qu'il y a 80% d'ingrédients bio et 20% de crasse. De non-bio. De crasse? Pas nécessairement de crasse, hein, mais d'aliments, disons, plus industriels, tels que le reçoit le poulet industriel ou d'autres animaux, bien entendu, d'élevage. Hein. Merci pour ce complément d'information. On passe à la question suivante. À partir du 1er décembre 2016, les sacs plastiques aux caisses hein, à usage unique seront interdits en Wallonie. Mais dès 2020, la France ira un peu plus loin. Que va-t-elle interdire à la vente? Ah, je sais. Vas-y. Mais les assiettes et les gobelets en plastique. C'est vrai, ça, Robert ? Impeccable. Très fort. C'est vrai. Dès 2020, il sera interdit, effectivement, en France, de vendre de la vaisselle jetable. Donc, plus d'assiettes, plus de couverts, plus de gobelets jetables. Et en croit d'ailleurs le ministre wallon de l'Environnement, Carlo Di Antonio, il a déclaré que la Wallonie devrait s'en inspirer, tout en ajoutant à la condition que des solutions alternatives puissent être offertes. Bon, c'est vrai qu'on connaît l'impact négatif des plastiques sur l'environnement, mais je pense aussi que pour être efficace, de telles décisions devraient être harmonisées tant au niveau national qu'européen, et on est encore un peu loin du compte. Pour la question suivante, on ouvre le frigo. Il y a du beurre, il y a de la margarine. À votre avis, le plus gras, c'est le beurre? Si on pose la question, c'est forcément que c'est la margarine. Moi, je dirais le beurre. Ouais. La margarine. Aussi, je dirais le beurre. Moi, je dirais la margarine à contrario. Vous, Hubert... Robert, pas Hubert. C'est kiff-kiff bourricot. C'est vrai? Parce que malgré ce que la rumeur laisse parfois penser, eh bien, la réponse, non, le beurre n'est pas plus gras que la margarine. Beurre comme margarine doivent renfermer légalement 80% minimum de matière grasse. La différence essentielle, c'est que le beurre, il est exclusivement à base de graisse animale, tandis que la margarine, elle, peut être à base de graisse animale ou végétale. Et alors, pour être complet, vous avez aussi le beurre demi-écrémé ou la fameuse margarine allégée, la minarine, comme on l'appelle, eh bien, eux, ces deux produits, ils renferment aux environs de 40% de matière grasse. Mais donc, du beurre ou de la margarine, c'est aussi gras l'un que l'autre. Vous avez encore un peu de temps à nous consacrer, Robert? Mais volontiers. Allez, on termine avec une question pour faire le malin au dessert, comme ça on se sentira moins bête. Pour pouvoir annoncer allégé en matière grasse, un yaourt doit renfermer 10, 20, 30 ou 40% de matière grasse en moins que le yaourt entier.

baiser, un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Céline Dion avec Encore un soir, et derrière ce morceau, il y a évidemment Jean-Jacques Goldman. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Retour à table avec Carlo. Il y a quelques mois, Carlo nous parlait de son chicon. C'était tellement bon, son chicon, qu'on y revient. On n'est pas des pigeons, le best-of. Vous, autour de la table, vous qui nous écoutez, réfléchissez deux secondes, arrêtez-vous, parce que la question est importante, si pas existentielle. Vous préférez le chicon d'eau ou en pleine terre? Bah, pleine terre qu'on est obligé de répondre. Mais oui, en même temps, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas aussi facilement. Si, alors l'avantage, oui, c'est qu'on en trouve. Mais... c'est un de ces produits artisanaux qu'on trouve en grande surface. Et notamment chez le distributeur de l'Aisne, mais il n'y a pas que là. Et là, on trouve du vrai chicon de pleine terre. Il est effectivement beaucoup plus cher. Mais au départ, le type qui a inventé le chicon, alors on ne sait pas, il y a plusieurs histoires, mais ça aurait été inventé à Bruxelles il y a déjà un petit temps. Il n'a pas inventé le chicon dans la flotte, quoi. Il a inventé le chicon dans la terre. Le chicon, c'est un vrai travail de l'homme, puisque on prend une racine de Chicorium intibus, là, qui est une. Si on laisse faire dans la nature, ça ferait plutôt des fines feuilles vertes et ça fait une espèce de salade qu'on appelle aussi la barbe de capucin. Donc on prend ça et on force. On coupe une première fois ce qui a poussé, on met ça sous terre, on force, c'est-à-dire qu'on force ce légume à refaire des feuilles, et comme c'est à l'abri de la lumière, ça fait des feuilles blanches, délicates, avec toutes ces qualités qu'on lui connaît. Alors, Baudouin Cartevel, on verra ça tout à l'heure en télé, est allé faire le fin limier du chicon, et est allé voir en même temps comment ça se passe en pleine terre, les derniers chicons récoltés, et comment ça se passe du point de vue hydroponique. Bah, c'est un peu moins romantique qu'en hydroponie. Non, quand on dit c'est la fin de la saison du chicon, c'est la fin de la saison du chicon en pleine terre. C'est vraiment un produit d'hiver. En hydroponie, on en trouve tout le temps. Toute l'année. Alors, il y a vraiment déjà une différence de prix. Ça va jusqu'à 7 fois. Ah ouais, la carrément. Différence. Oui. Une fois, deux fois, trois fois, sept fois, comme disait la chanson universitaire. Et donc, c'est pas grave, on n'a pas fréquenté les mêmes endroits. Non. Et donc, voilà. Et donc, c'est cette fois, c'est beaucoup plus cher. N'empêche que, au niveau gustatif, c'est important que le chicon de pleine terre continue. C'est important qu'on en consomme et qu'on comprenne cette différence, parce que quand vous effeuillez le chicon comme une marguerite, le chicon de pleine terre, les feuilles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus serrées. Mm-hmm. Et quand vous le cuisez, surtout, c'est simple. Il y a 30% d'eau dans le chicon hydroponique, en plus que dans le chicon de pleine terre. Oh, oui, il y a beaucoup d'eau dans le chicon, hein, par définition. Mais dans le chicon hydroponique, il y en a encore beaucoup plus. Et donc, le goût, c'est vrai que le chicon de pleine terre, il a plus le goût de chicon, donc il est plus amer aussi. Oui. Mais c'est ça aussi. C'est le... pas dans le cœur, c'est un amertume. Alors, grand débat. L'amertume du cœur du chicon, moi, je n'enlève jamais. Le cul du chicon. Parce que je trouve que, d'abord, c'est du... Attendez deux secondes, on s'arrête deux secondes. Il y en a qui parlent de cœur et l'autre, elle parle de cul. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur l'anatomie du chicon. C'est le cœur. Ça dépend un peu où t'en es dans ta vie, hein, par rapport à certaines choses. Voilà. Et donc. Allez, hop, c'est ma journée. Histoire de cœur ou histoire de. C'est ça. Alors. Donc, moi, j'enlève jamais le cœur du chicon. Je trouve que. Le cône, appelle-le le cône. Voilà, c'est plus sûr. Et même, je vais te dire, j'adore braiser les chicons en les coupant en deux dans la longueur. Et donc, faire braiser le chicon. Et donc, et j'enlève même pas le bout de racine, sinon toutes les feuilles s'éparpillent dans la poêle. Donc, vraiment. Alors, ces chicons de pleine terre, il y en a qui sont labellisés. Et comme on est un pays qui gagne, la Belgique, ils sont surtout labellisés en Flandre. Deux labels. Le label Streekproduct, c'est-à-dire produit régional, c'est un label belgo-belge pour tous les chicons de Flandre. Mmh. Et le label chicon Brussels Grand Witloof, donc chicon de pleine terre bruxellois, qui lui a une IGP. Il n'est pas fabriqué à Bruxelles, ou très peu, marginalement. Ouais. Toute l'appellation de l'IGP recouvre pratiquement à peu près le Brabant flamand. Et en Wallonie, que dalle. On n'y a pas pensé. Ah, on n'a pas pensé à faire un label. On a évidemment qu'en Wallonie, on fait des excellents chicons de pleine terre et notamment on peut les acheter à la ferme. Renseignez-vous un petit peu autour de vous. Alors c'est la fin de la saison, mais pensez-y déjà pour l'hiver prochain. C'est que tout comme on peut acheter des fraises à la ferme, qu'on peut acheter son fromage, etc., on reçoit plein d'artisans chez nous. Je propose que pour le qu'est-ce qu'on goûte, le premier qu'est-ce qu'on goûte de l'hiver mais prochain, c'est vrai qu'on a déjà reçu, mais on a déjà reçu des artisans qui des fermes où on cultive le chicon, et c'était super bon. Maintenant, alors j'ai envie de revenir deux secondes sur le prix. Vous dites que c'est 7 fois plus cher. Tu vas me demander le prix. Mais non, 7 fois plus cher le chicon en pleine terre. Mais alors, je mets 7 fois moins cher, j'achète le chicon hydroponique, je fais venir 7 fois plus d'amis et je me fais une méga orgie chicon avec les potes. C'est oui, meilleur alors, marché quand même. Pour, j'ai envie de dire, pour une petite salade comme ça, qu'on mangera un peu toute l'année, avec, enfin pas toute l'année, mais le bon vieux classique chicon, pomme et noix, ça, effectivement, l'hydroponique pourra fonctionner. Mais je trouve que ça vaut la peine quand même de se réapproprier certains goûts. Et tout à l'heure, je vous ferai goûter mes chicons braisés simple face. Et je trouve qu'avec les cônes intacts, je trouve que ce goût-là, alors que, comme il y a de l'amertume et qu'il faut sublimer le chicon pour trouver le meilleur goût, la première règle, c'est de cuire le chicon sans eau. Même pour le chicon au gratin. Donc quoi, vous faites quoi? Une poêle, Par exemple, moi, mes demi-chicons, je les pose à plat dans la poêle ou dans une sauteuse avec du beurre. Je fais en sorte que ça dore la face du chicon, salé et poivré. Je mets le couvercle, là, ils vont cuire. Ouais. Et il y a tellement d'eau qu'au moment où je vais soulever le couvercle, ah merde, il y a de l'eau. Donc là, je fais réévaporer l'eau. Ouais. Et donc, j'ai un chicon braisé. Et il n'est pas sec, mais qui ne trempe pas dans l'eau. Alors, pour la recette de ce soir, j'ajoute encore un petit peu de crème et un peu de fond de veau. Et sur le côté, j'aurais fait des petites boulettes de veau au vinaigre balsamique. Mmh. Et je vais faire une petite assiette creuse, comme ça, avec quelques chicons épars. Dites donc. Et un petit peu de boulettes au vinaigre balsamique. Ça va être bon, ça. Oui, parce que c'est... j'espère. Et voilà. Et donc, ce chicon, on peut aussi, quand vous avez beaucoup de monde, le jour de l'orgie de chicon, à 7 fois moins cher, vous poêlez les chicons. Ouais. Côté face, et puis vous les cuisez au four. Ah ouais. Et alors à ce moment-là, vous pouvez faire toute une plaque de chicon en une fois, au four à 100-120 degrés, hein, pas à 300 degrés, sinon vous aurez du chicon déshydraté. Et ça fonctionne assez bien comme ça. On n'est pas des pigeons, le best-of. Inutile d'aller voir à la télé ce soir, puisque c'était une séquence best-of. Carlo ne fera pas de chicon au soir, on les a déjà mangés, évidemment. On fait un petit détour par la page Facebook, où on nous parle, les gens nous parlent. Oui, on vous parle de la tablette, figurez-vous, puisqu'on donnait tout à l'heure les chiffres des enfants qui regardent les tablettes, les enfants en bas âge notamment. Et on vous a demandé, mais vous, comment vous faites, comment vous gérez la tablette et vos enfants? Alors Sophie nous dit, elle a 10 ans, j'imagine qu'elle parle de sa fille, et peut l'utiliser très rarement, le week-end, uniquement pour filmer, pas d'internet, pas de jeu. C'est d'ailleurs le seul usage de cette tablette que nous avons reçu. En règle générale, elle dort. Alors Christelle, les règles, nous dit-elle, je dois avoir accès à tout à n'importe quel moment. Donc pas de mot de passe que je ne connais pas, pas de blocage par empreinte ou autre. Ils savent que si un jour je prends la tablette et que je ne sais pas aller voir ce qu'ils ont fait dessus, je confisque pour une durée indéterminée. On ne rigole pas, chez Christelle. Si vous avez d'autres réactions par rapport à ça, n'hésitez pas à les déposer sur la page Facebook, on les lira évidemment. La suite, c'est un détour par la rédaction avec les titres de l'info qui arrivent. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce lundi, Slovaquie, Angleterre et Russie, Pays de Galles. Les deux derniers matchs du groupe B, but après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h en direct de Nice avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme et des congrès de Nice. Vivacité présente, essayez plutôt la ville à vélo. Visitez l'expo Cité Cyclo au musée des transports à Liège du 28 mai au 30 novembre. Plus d'infos, www.musée-transport-avec-s.be. Avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Wallonie, le Commissariat Général au Tourisme et le TEC. Vivacité et la 3 présente l'exposition En plein air à la Beauverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeauverie.com. La Beauverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. Infos et bonne humeur, le 8-9, c'est sur Vivacité. Garagisto, mi pneu est à platos. T'as donné? Toi, remplaçard, pneu d'ami. Que plaçard, pneu d'ami? Ouais, laisse ça tomber, on va se débrouiller. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupété.be. Il est midi 30. Les titres du journal avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À midi 30, on verra comment nous nous comportons au volant. Les Belges sont-ils plus sympas, plus respectueux des règles de conduite, des limitations de vitesse que les autres, que leurs voisins européens? Eh bien, si nous sommes les champions d'Europe de la ceinture de sécurité, pour le reste, c'est pas terrible. L'IBSR a rassemblé les données de 17 pays européens et figurez-vous qu'à part la ceinture, le reste n'est vraiment pas brillant, notamment en matière d'alcool au volant. Les examens, c'est bientôt fini. Pour les élèves du secondaire, en tout cas, ça se termine. On est dans les fameux jours blancs. À propos d'examen, il y a cette polémique sur la facilité déconcertante des examens de français de deuxième secondaire, des examens communs organisés par la communauté française. Certains profs estiment qu'on se moque de leurs élèves, mais tout le monde ne partage pas cet avis. On en parle dans le journal de 13h. On reviendra aussi sur cette manifestation à Bruxelles ce matin. Des associations qui viennent en aide aux demandeurs d'asile demandent au gouvernement de ne pas fermer les places qui ont été ouvertes en urgence au moment de la crise de l'été dernier. Et puis nous irons aussi à Paris, où les membres de la commission d'enquête attentat se trouvent aujourd'hui. Ce matin, ils ont rendu hommage aux victimes du Bataclan. Salle de concert, toujours fermée pour travaux. Cet après-midi, ils iront à l'Assemblée nationale pour travailler avec leurs homologues français. Nous ferons écho de ce voyage dans le journal de 13h. A tout à l'heure, 13h, Manu. On n'est pas des pigeons. William, ça, happy, est-ce que vous êtes heureux? Super heureux. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. Est-ce que Kate est heureuse? Peut-être un peu moins. Oui. Bonjour Kate. Oui, bonjour Sébastien, bonjour l'équipe. Comment bonjour. Ça va? Mais ça va, très bien. Dites, oui. Si oui. On vous accueille aujourd'hui, c'est parce que vous avez eu un petit problème. Vous aviez vu une promotion chez oui. Monsieur Bricolage. Oui, c'est ça, tout à fait. Qui concernait un évier. Oui, c'est ça, le 7 juin, et c'était stock limité, donc je me suis quand même précipitée. Mm-hmm. Vous êtes arrivée très tôt au magasin, en fait, c'est ça, Kate? Oui, c'est ça, la première heure, je me suis donc présentée, j'étais dans le rayon, là j'ai demandé à un vendeur avec la publicité dans la main, en disant voilà, où est le lave-main, et il m'a dit, il n'y en a pas, mais il faut aller à la caisse, demander, se renseigner, donc j'ai été à la caisse, mais pour moi c'était déjà un peu la porte de sortie, donc je vais à la caisse. Et là, on me dit, ça fait des semaines qu'on n'a pas le produit. Donc, ah bon, alors que c'est en promo dans le folder qui sort la veille ou l'avant-veille, spécialement pour ce jour-là, vous êtes la première cliente et il n'y a rien. Non, il n'y a pas. Bizarre, cette histoire. 59,95€ au lieu de 105€, une belle promo pour oui, un lave-main. Très belle promotion et voilà, je suis retournée les mains vite. Et on vous a rien dit. Pas d'explication supplémentaire chez Monsieur Bricolage? Non, rien. Ça, et c'est fâcheux. J'ai fait un mail de réclamation. Hein, donc directement, je suis rentrée chez moi, j'ai fait un mail et je n'ai pas eu de réponse. Rien du tout. Bon, dans ces cas-là, on va chercher la réponse nous-mêmes. Mais est-ce qu'il existe vraiment ce Monsieur Bricolage? Il ressemble à quoi? On va demander. On va enfin le savoir. On a au téléphone le directeur du marketing de Monsieur Bricolage. Christophe Pollomé, bonjour. Oui, bonjour. À quoi il ressemble, monsieur, à quoi il ressemble, Monsieur Bricolage? Alors, c'est pas moi, en tout cas. Je m'occupe que du marketing. Mais... Bon, bah justement, on a frappé à la bonne porte. Dans le marketing, il y a les folders, il y a les promotions. Ouais. Et comment ça se fait qu'une promotion n'est pas disponible alors que c'est l'ouverture du magasin? Alors, une promo, par définition, elle doit être disponible parce que vous connaissez comme moi le prix de la pub. Évidemment, on ne fait pas de publicité sans marchandise, ce serait un peu ridicule. Oui. Ce qui s'est passé ici dans le cas de madame, et d'ailleurs je dois la remercier parce que je pense qu'elle nous a aidé à résoudre un problème de... Alors c'est un problème d'informatique, et je ne vais pas vous embêter que de la technique, mais on a des points de vente qui font 2, 3, 4, 5 000 mètres carrés, ce qui veut dire qu'à la réception des produits, on doit les localiser, on doit en fait indiquer à quel endroit ils vont être présentés dans le rayon, et je dois avouer que sur la version 2 de notre programme informatique, on a un petit problème avec la localisation des promos. Ce qui veut dire que le produit a été invisible entre la réception et jusqu'il n'y a pas longtemps finalement, puisque grâce au témoignage de cette cliente, ben on a trouvé la faille. Alors je dois lui présenter nos excuses, évidemment, pour ce qui s'est passé. Mais le robinet était en magasin. Il était en magasin? Et le lavabo? Il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est un con. Mais pourquoi les employés du magasin lui répondent qu'il n'y en a pas? Ils connaissent aussi leur magasin, les employés. Oui, c'est cette histoire de localisation. La caisse, évidemment, elle reçoit les mêmes infos distribuées par le service informatique. Mais c'est tellement grand le magasin qu'ils ne savent pas exactement ce qu'il y a dedans, c'est ça? C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, entre la réception et l'endroit où il faut le placer, il y a une zone, une espèce de no man's land où le produit se trouve un moment. Avant d'être réceptionné dans la localisation où il doit se trouver, il est en deux eaux. Donc effectivement, c'est un peu compliqué. Donc ils ne savaient pas dire où était ce produit. Ils ont pensé qu'il n'y en avait pas. Ils n'avaient pas de visibilité sur le stock, donc ils ont répondu, j'en ai pas. Par erreur. Mais ce qui est formidable, Christophe, c'est que Kate vous a donc fait économiser une séance de consulting, puisqu'elle vous a permis de détecter le problème. Voilà. Là, on lui doit beaucoup, parce que d'abord pour nous, pour ce magasin, puis pour tous les autres clients qui pourraient être victimes de la même chose, franchement, on lui est très très reconnaissant. J'aurais voulu d'ailleurs, je ne sais pas s'il est, à mon avis, trop tard pour son lave-main, je suppose qu'elle en avait besoin, qu'elle a trouvé une autre solution. Elle a trouvé la concurrence, c'est bien ça, Kate, vous avez déjà trouvé un lave-main ailleurs, il est déjà installé. C'est ça, parce que c'était aussi une promo, mais ailleurs, alors naturellement, là, j'ai aussi été me précipiter un peu, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Christophe Pollomé, pour Madame Kate, qui s'est déplacée, qui a été déçue et qui vous a offert une séance gratuite de consultation informatique de haut vol? Voilà, exactement, ça nous permet de nous corriger. Ça, franchement, je trouve que ça mérite une compensation, donc je propose, si Madame Kate est d'accord de l'accepter, je lui offre un bon d'achat de la valeur de son lave-main initialement prévu. 60€. Voilà. Exactement. Oui. Bon, ça c'est une compensation assez sympa. Maintenant, rassurez-nous, chez Monsieur Bricolage, le problème informatique, il est réglé?

nothing going on today. But I say Travis, avec un souvenir de l'année 2001 et le titre Sing. On vous le dit depuis le début de l'émission, les tablettes font partie de notre civilisation aujourd'hui, mais les tablettes avec les enfants en bas âge, ça ne colle pas bien ce genre de choses. Et vous réagissez en masse sur Facebook. Oui, on a le témoignage de Nathan qui nous dit « Quand je vois des enfants à peine âgés de 3 ans, ça me révolte. Les tablettes n'ont pas à être dans les mains d'un enfant de moins de 12 ans. Plus tard, ces enfants porteront très tôt des lunettes avec l'éclairage des tablettes. » Dont des parents ne gèrent pas la luminosité au minimum, car la lumière des écrans abîme les yeux. C'est vrai qu'on vous en parlait tout à l'heure. Et puis un avis pour quand même, Jessica qui nous dit que son fils de 4 ans joue sur la tablette depuis une grosse année. Il regarde des films vidéo, un peu le soir pour se détendre ou quand il fait moche dehors, il ne s'en porte pas plus mal. Mais la lumière bleue le soir avant d'aller dormir, on a dit la lumière bleue que projette ces tablettes, c'est pas bon si on veut s'endormir correctement, donc on évite. Je prends les choses comme elles viennent, sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon. Au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Croyez que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Mes parents pleurent, ils ont la haine. Ils n'ont jamais rien compris à cette guerre. Laisse-les parler. C'est son nouvel album qui s'appelle La beauté du geste, le dernier extra en date de Gérald Palmas, Le jour de nos fiançailles et le coup de gueule d'Alex qui arrive après ça. Vous serez des millions à suivre les Diables pour l'Euro 2016, à filmer ces instants de joie, d'émotion et de fête, en famille, entre amis ou en solo. Devenez peut-être les héros de notre documentaire « Les Diables et moi » en envoyant vos meilleurs moments vidéo pendant l'Euro sur la page Facebook RTBF Sport. Enflammez le supporter qui est en vous. On n'est pas des pigeons. Alex est un auditeur dont n'est pas des pigeons. Alex n'est pas content et il nous l'a fait savoir. Oui, il nous donne un sujet de l'inspiration. Faites un peu une émission sur les sacs à dos interdits dans les magasins. Je trouve cette mesure discriminatoire par rapport aux sacs à main qui, eux, sont autorisés. Je pense que c'est inutile, ça fait passer le client pour un voleur et c'est très mauvais pour l'image de marque du magasin. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais il y a des petits casiers à l'avant des magasins. Oui, tu peux laisser mais quand on va... Oui, mais et ça dépend les magasins. Les gros sacs à main, hein, et les grands sacs à main, on doit les mettre aussi dans les casiers. Quand de c'est... toute manière, tu as oui. souvent un vigile maintenant qui te demande est-ce que je peux regarder ce qu'il y a dans votre sac et à main. Et qui fouille avec délicatesse. Non, fouille pas, il ne peut pas fouiller. Il peut juste demander de l'ouvrir. Mais il ne peut pas fouiller un vigile, c'est la police qui fouille. Si vous avez des choses à dire, je vais retourner voir un certain vigile. Dites si vous voulez réagir, c'est sur Facebook pour les bons plans, les astuces, tout ce que vous voulez. Oui, vous pouvez les envoyer sur notre page On n'est pas des pigeons, les envoyer par mail à l'adresse pigeonpluriel@rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Et vous l'avez peut-être entendu en début d'émission, on écoute aussi vos blagues, donc n'hésitez surtout pas. La vie du bon côté, c'est Sylvie Honoré qui prend le relais cet après-midi sur Vivacité. On parle d'âme sœur avec vous, Sylvie. Oui, là, on est en train de parler de soleil avec mon invité. C'est vrai qu'on parle... Ça va vite, hein, en même temps, la conversation. Il n'y en a pas de soleil. Il est où, le soleil? Ah oui, il est où? Pourriez faire une chanson. Il est où, le soleil? Oui, voilà, c'est déjà fait, mais bon, voilà. L'âme sœur, en effet, un concept qui évoque une compatibilité, en général amoureuse, qui serait parfaite entre deux individus. Un terme employé dans la vie courante pour évoquer une relation de ce type. Et le terme est parfois utilisé de manière ironique ou comme une allégorie pour désigner les interactions fusionnelles des êtres humains entre deux êtres humains, voire plus, hein, ou dans la nature. L'expression est également abondamment utilisée par les agences matrimoniales et les sites internet de rencontres. Et c'est vrai que j'ai fait un peu des recherches là-dessus. Et il suffit de prononcer le mot âme sœur en société pour voir aussitôt certaines personnes écarquiller les yeux. Parce que l'idée qu'il existe un être magique juste pour nous, juste pour moi, dont je vais tomber amoureuse instantanément et qui ne me contredira jamais, est une illusion. L'âme sœur, c'est difficile à définir. Bonjour Laurence Dujardin. Mais bonjour. L'âme sœur. Vous avez mis un gros cœur là sur votre t-shirt. Oui, vous avez vu, un gros cœur et plein de petits cœurs. Attention, hein, le gros cœur n'est pas tout seul. Bon, l'âme sœur, c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie pour trop facilement peut-être aujourd'hui. Oui, ben on va en parler, on va détailler. C'est vrai que l'âme sœur, c'est aussi une forme de croyance quelque part. Hein, on nous fait croire que on a une âme sœur, qu'il existe une âme sœur, un être unique, magnifique, incroyable, génialissime, qui va résoudre tous nos problèmes et nous apporter tout l'amour dont nous avons besoin. Oui. Ben c'est vrai qu'il y a pas mal de tests sur Internet, plein de sites en disant « As-tu déjà trouvé ton âme sœur ? Crois-tu en ton âme sœur ?» Bon, l'âme sœur, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Et venez peut-être nous dire que vous avez l'impression, en effet, d'avoir trouvé une âme sœur. Et pas seulement dans l'amour, mais en amitié aussi, peut-être. Quelqu'un avec qui, il n'y a même pas besoin de parler, tout s'explique. Pas tout se connaît de l'un à l'autre. Venez prendre la parole par rapport à ça. Les âmes sœurs, 070 23 33 23, SMS 30 63, sera juste après le journal de 13h et juste après le point météo. On veut du soleil, Denis, que voici. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Bonne journée à tous. La pluie continue à avancer d'ouest en est avec des averses et des moments d'accalmie. On aura aujourd'hui pas plus de 16 à 19 degrés. Pour la suite, eh bien, cette zone de pluie va quitter le pays la nuit prochaine. On aura encore un ciel bien chargé demain sur le sud-est, mais déjà des éclaircies sur l'ouest. La situation s'améliorera légèrement avec des températures de 16 à 21 degrés. On espère une hausse du mercure plus marquée mercredi avec des températures qui atteindront 21 à localement 24 degrés. Merci d'écouter Viva, il est 13h. Les Belges ne sont pas les champions d'Europe de la sécurité routière. On vient de comparer la conduite dans 17 pays d'Europe. Les résultats ne sont pas brillants. Les examens, c'est bientôt fini. Pour les élèves du secondaire, ce sont même les fameux jours blancs qui commencent. L'examen de français de deuxième secondaire commun à tous les élèves était-il trop facile? Plusieurs profs et élèves le dénoncent. D'autres rappellent que l'objectif, c'est de vérifier les compétences de base. Hommage des parlementaires belges au Bataclan ce matin, les membres de la commission